On les appelle les hommes bleus. Et leur seule apparence fait rêver tant ils respirent un parfum d'aventure. Visage dissimulé derrière leur chèche, ces seigneurs du désert, guerriers mythiques des sables, ont toujours enflammé les imaginations. Et d'abord, à cause de la singularité de leur existence, nomades, indépendants, faisant fi des frontières, ils semblaient appartenir de toute éternité à un monde légendaire. Mais la réalité les a cruellement rattrapés. Les Touaregs d'aujourd'hui sont souvent les oubliés d'une société en recomposition qui n'a que faire de ces marginaux dont la seule patrie est le désert. Pire, certains, et parmi eux des ethnologues de renom, estiment qu'il faut en finir avec les mythes et que les hommes bleus doivent abandonner leur nomadisme et leurs mœurs archaïques pour entrer de plein pied dans l'ère moderne. Et donc, renoncer à ces rébellions absurdes qui les opposent au gouvernement en place. Pour d'autres, au contraire, il existe une nation Touareg qui doit être reconnue en tant que telle et doit bénéficier d'une réelle représentation dans les États où ils vivent. C'est en particulier le cas au Niger où un conflit meurtrier embrase de nouveau depuis février 2007 tout le nord du pays sur fond de guerre de l'uranium. Monsieur X s'est penché sur ce dossier où se joue une partie du destin de l'Afrique. Un chiffre d'abord. Les Touaregs seraient environ 3 millions. Ils occupent un vaste territoire de plusieurs centaines de kilomètres carrés au Sahel et dans le Sahara. Ces nomades du désert sont répartis au sein de 5 pays. Le Burkina Faso, le Mali, la Libye, l'Algérie et enfin le Niger où vivrait le tiers d'entre eux. Mais vous utilisez le conditionnel, hein ? Bien obligé, car dans tous ces pays, on n'a jamais procédé à un recensement. Il s'agit donc d'estimation. Autre chose, dans deux de ces pays, les Touaregs sont entrés en rébellion contre le pouvoir central. Au Mali et au Niger, hein, là où ils sont les plus nombreux. C'est ça. Mais les deux gouvernements n'ont pas réagi de la même manière. Au Mali, le président Amadou Toumani Touré vient de choisir la voie de l'apaisement et une trêve est intervenue entre l'armée et les rebelles. Par contre, en Niger, son homologue Mamadou Tanja a décidé d'opter pour la manière forte afin de réduire la révolte des hommes bleus. Alors, bien sûr, vous allez me demander la raison profonde de ces rébellions armées. Et je vous le promets, je vous répondrai. Mais auparavant, il faut tout de suite dire que la question nigérienne nous concerne, nous, Français, au premier chef. À cause de l'uranium. Bien sûr. Ouais. Ce précieux uranium dont on a besoin pour nos centrales nucléaires. Ouais, et un uranium qui est de plus en plus demandé à cause de la crise mondiale de l'énergie. Hein. Le Niger, vous le savez peut-être, est l'un des principaux producteurs d'uranium. Et pendant très longtemps, ce métal a été extrait du désert nigérien exclusivement par une entreprise française. Oui, la Cogema. Oui, devenue aujourd'hui Areva. Mais ce quasi-monopole est tombé et les Chinois en particulier ne cessent de nous planter des vendrilles. Alors autant dire que la crise nigérienne doit d'abord être examinée au travers de ce prisme. La deuxième observation préliminaire, c'est que le Niger a longtemps fait partie de notre précaré. Oui, un état de la France-Afrique. Comme dans nombre d'autres anciennes colonies, nous avons durablement fait la pluie et le beau temps, oui. Et où, naturellement, la tentation d'intervenir existe toujours. C'est le cas aujourd'hui ? Bon, nous verrons ça un peu plus tard, si vous voulez bien. Non. La troisième observation que je voudrais faire, avant de voir de plus près les racines de cette question nigérienne, c'est que le Sahel devient une région particulièrement sensible. À cause du terrorisme islamique ? Oui. Oui, les spécialistes américains en la matière considèrent même que le Sahel devient un point de fixation pour Al-Qaïda. Un général états-unien a même parlé d'un nouvel Afghanistan. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi, je suis par nature très prudent. Alors, certes, le fameux GSPC... Là, le groupe salafiste... Pour la prédication et le combat, ouais, GSPC... Donc, ce mouvement terroriste algérien a certes revendiqué son allégeance à la nébuleuse de Ben Laden. Mais il serait même devenu une branche d'Al-Qaïda. Enfin, je vous le fais remarquer que n'importe quelle organisation clandestine peut se réclamer de Ben Laden. Cependant, bon, passons, au moins provisoirement. Pour l'instant, ce GSPC dont je vous ai dit il n'y a pas si longtemps qu'il était peut-être manipulé, s'est surtout manifesté par des attentats en Algérie et des actions contre les touristes. l'enlèvement de touristes allemands au Sahara. Hein. Et c'est peut-être aussi les mêmes qui ont attaqué et tué des Français en Mauritanie et enlevé récemment deux touristes autrichiens. En tout cas, les menaces avérées ou non que le GSPC fait peser sur la région ont poussé les Américains à proposer aux États sahéliens la mise en place d'un véritable plan de bataille contre le terrorisme. Et les accords de coopération militaire. Ce qu'ils ont appelé l'initiative transsaharienne de lutte contre le terrorisme. Mais cette manœuvre pourrait bien dissimuler en réalité une tentative des États-Unis de s'implanter dans une zone où traditionnellement l'influence française a toujours été prépondérante. Une région riche en ressources naturelles. C'est exact. Par contre, il est vrai que le Sahel a toujours été une vaste région de contrebande, mais où les trafiquants prennent de plus en plus à leur aise. Quel genre de trafic, là ? Les armes, les drogues, les cigarettes, les voitures volées, et même les travailleurs clandestins à destination de l'Europe. Ce qui en fait une zone dangereuse. Et donc, pas seulement à cause du terrorisme islamique qui s'est viré. Alors, revenons au Niger et aux Touareg. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire-géographie, mais vous devez avoir à l'esprit quelques données essentielles. Le Niger est un très grand pays, plus de deux fois la France. Mais en réalité, il y a plusieurs Niger, enfin trois, pour simplifier. Expliquez. Le Nord, d'abord. C'est une zone qui couvre les deux tiers du pays et qui est constituée de hauts plateaux et de montagnes. C'est une partie du Sahara. En effet. Et cette immense région est le territoire naturel des Touaregs que leurs caravanes sillonnent en tous sens. Il y pleut très rarement et on y trouve quelques oasis isolées. Le deuxième, Niger, au centre du pays, est un peu moins aride mais très faiblement boisé. Puis il y a le sud et sa savane. C'est la seule région fertile où les pluies saisonnières permettent l'existence de cultures vivrières. Et j'imagine que cette disparité géographique correspond aussi à des différentes répartitions ethniques. Bien entendu. Au sud et à l'ouest, deux ethnies noires, les Haoussa et les Djermasongaï, prédominent. Ce sont elles qui ont donné au Niger la plupart de ses dirigeants. Et au nord et à l'est, il y a les Touaregs. Pas seulement. Près de la frontière libyenne, les Toubous sont en majorité. Oui, comme au Tchad. Et dans le sud de la Libye, ce sont les pasteurs nomades. Mais parfois de rudes guerriers. Hein. Les soldats français qui les ont souvent affrontés au Tchad en savent quelque chose. Oui. On trouve aussi des Arabes, et puis des Peuls. Mais effectivement, le nord du Niger est principalement le territoire des Touaregs. Toutefois, attention, cette dernière ethnie n'est pas homogène. Il existe des Touaregs blancs et d'autres qui sont noirs. Et entre eux, ça se passe pas trop bien, les Noirs accusant les Blancs de les exploiter. Et c'est même allé plus loin, puisque des Noirs ont été réduits en esclavage. Autrefois, j'imagine. Ben pas du tout. Il existe encore des esclaves au Niger et plus généralement au Sahara, malgré l'interdiction promulguée en 2004 par les autorités nigériennes. 2004, c'est hier, hein. En effet. Et un an plus tard, on a assisté à un événement assez extraordinaire. Un puissant chef Touareg a organisé une cérémonie afin de célébrer la libération de tous les esclaves vivants dans son campement. Et il y en avait plus de 7000. C'est énorme. Et on estime qu'il en reste encore quelques dizaines de milliers qui n'ont toujours pas été affranchis. Cette situation a bien entendu contribué à ternir un peu plus la réputation des Touaregs, considérés comme des bandits et des voleurs d'hommes. J'ajoute que le gouvernement nigérien a désormais interdit ce genre de cérémonie publique. Pourquoi ? Ah ben parce qu'elle donne une mauvaise image du pays. Ouais. Mais attendez, supprimer ces célébrations ne signifie pas supprimer l'esclavage. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est assez hypocrite. Mais les Nigériens ont besoin des investisseurs occidentaux et cette survivance archaïque de l'esclavage fait incontestablement mauvais genre. Alors, encore un mot et j'en viens à l'histoire récente du pays. Le Niger a connu à plusieurs reprises de désastreuses crises alimentaires. À cause de la sécheresse. Et ces famines ont provoqué la mort de milliers de personnes, surtout dans le nord, bien entendu. Et pourtant, ce pays, classé par les instances internationales au dernier rang mondial quant au développement humain, est paradoxalement riche. Très riche. Oui, mais une richesse qui reste trop souvent virtuelle. Hein. Oui, oui, car à part l'uranium qui fournit une part non négligeable de ses ressources, il dispose d'un sous-sol très prometteur. On y trouve de l'or, du pétrole, beaucoup, et du gaz. Des matières premières qui devraient bientôt pouvoir être exploitées. À condition, naturellement, que la paix soit restaurée. Or, ces richesses minières, à commencer par l'uranium, se trouvent dans le nord. Là où, justement, sévit et prospère la rébellion Touareg. Ah, les Touaregs sont donc en position de force. car il tient en main le futur développement du pays, et ils sont bien décidés à jouer cette carte maîtresse le plus longtemps possible, d'autant qu'au fil du temps, ces richesses minières attirent de plus en plus de convoitises. Revenons un instant sur la question de l'esclavage, qui n'est d'ailleurs pas une question purement nigérienne. J'ai trouvé un article de 2005 paru dans le journal sud-africain Mail and Guardian, extrait. Les captifs, des descendants d'Africains à la peau sombre, asservis lors de guerres ou tout simplement kidnappés, assurent une vie oisive aux Touaregs blancs, des nomades à la peau claire. Les femmes s'occupent de toutes les tâches ménagères et font en sorte que leur maître n'ait jamais à lever le petit doigt, explique Romana Caccioli, responsable du programme africain au sein de l'ONG Anti-Esclavage International. Elles leur servent à boire et à manger, lavent leurs vêtements et prennent soin de leurs enfants. Il faut aussi déplacer les tentes des maîtres 4 fois par jour pour qu'ils soient toujours à l'ombre. Les hommes gardent toute la journée les troupeaux de chèvres et de moutons. Les enfants aussi travaillent, ils sont de corvée d'eau avec les femmes, ce qui peut leur prendre la moitié de la journée. Les enfants naissent esclaves et peuvent être offerts en cadeau ou faire partie d'une dot. Ils sont séparés très tôt de leur mère afin que les liens familiaux soient rompus. Les filles sont fréquemment victimes d'abus sexuels de la part de leur maître et sont souvent forcées de se marier contre leur volonté. Un journal nigérien a également rapporté le cas d'un homme castré pour avoir désobéi. Les esclaves vivent dans des abris de fortune à côté des tentes en peau de chèvre de leur maître et portent parfois des bracelets de cuivre ou chevilles en guise d'identification. Comme les autres colonies africaines de la France, le Niger a accédé à l'indépendance en 1960. Auparavant, pendant la période coloniale, Paris avait eu forte affaire avec les Touaregs. Mais peu à peu, une sorte de cohabitation tranquille avait vu le jour, le pouvoir colonial laissant les nomades vaquer à leur gré dans l'immense désert saharien. En fait, les Français ne s'intéressaient guère à ces contrées désertiques et pauvres. Seul comptait pour eux ce qu'ils appelaient le Niger utile, c'est-à-dire le sud, où l'on pouvait cultiver le coton et l'arachide. Et c'est tardivement qu'on a entrevu les richesses du sous-sol du Nord. Hein. Très tardivement, oui. La conséquence, c'est que les habitants du Nord, essentiellement les Touaregs, ont été abandonnés à eux-mêmes. Bah, ils ne demandaient pas mieux, non? C'est vrai, parce qu'ils étaient farouchement attachés à leur liberté et à la conservation de leur mode de vie traditionnel. Mais en même temps, exclus des circuits marchands et empêchés à cause de leur nomadisme d'accéder à l'éducation, ils ont laissé un véritable fossé se creuser avec leurs voisins du Sud. Et presque naturellement, lorsque l'indépendance est arrivée, ce sont les gens du Sud qui ont pris le pouvoir et bénéficié des premières mesures de développement. Ouais. Ce que les Touaregs ont ressenti comme une forme d'injustice. Ben, forcément, oui. Surtout à partir du moment où on a commencé à s'intéresser à la richesse du sous-sol. Parce qu'ils ont considéré que ces richesses se trouvaient chez eux. Ben, réaction naturelle, hein. Enfin, n'allons pas trop vite. La transition entre la colonisation et l'indépendance se passe paisiblement. Le président élu s'appelle Diori Amani. C'est un enseignant très francophile, à la différence de son principal rival, Djibo Bakary, qui campe, lui, sur des positions nationalistes et progressistes à l'image d'un Sékou Touré qui a prôné le non lors du référendum sur la communauté. À noter d'ailleurs que les deux hommes, Amani et Bakary, appartiennent à deux ethnies différentes. Et en Afrique, c'est trop souvent la cause de dissensions politiques. Hein. Oui, mais Amani, très sagement, prend soin de composer un gouvernement où toutes les ethnies sont représentées. Et les Touaregs, hein? Eh bien, malgré le nombre restreint des candidats possibles, 2 ministres issus de leur rang ont été nommés. Et pendant toute la présidence amani, c'est-à-dire jusqu'en 1974, les Touaregs n'ont jamais été l'objet de discrimination, même si le développement du Nord n'a pas suivi celui du Sud. Et Amani a fait tout son possible pour que ces populations nomades, Touaregs et Toubou, trouvent leur place au sein de la communauté nigérienne. En tout cas, bah, tout ça commence plutôt bien. Hein. Mais ça va progressivement se gâter. Et pourquoi? Bah, d'abord à cause du colonel Kadhafi, qui va prendre le pouvoir en Libye en 1969. Et ensuite à cause de l'exploitation de l'uranium. Alors, voyons d'abord le premier point. Kadhafi, le bouillon colonel, vous le savez bien, a toujours pensé que la Libye était trop petite pour lui et il n'a cessé d'essayer d'associer son pays à des États frères. Des mariages éphémères, Ou carrément raté. Hein. Toujours, oui. Alors, très vite, Kadhafi regarde en direction du désert. Au Tchad, nous en avons souvent parlé. Oui, la fameuse bande d'Aouzou. Hein. Ce qui vaudra à la France et à la Libye plusieurs explications de textes musclés. Puis il y a le Niger et ses Touaregs. Pour Kadhafi, c'est un terrain idéal pour expérimenter ses visées arabo-islamistes. Ouais. Donc, faire de la propagande auprès des Touaregs. Il est écouté ? L'écho est plutôt favorable. Si favorable même que Kadhafi envoie des troupes stationnées sur une bande de terrain de quelques milliers de kilomètres carrés à la frontière entre les deux pays. En fait, les Libyens occupent d'anciens fortins de l'armée française et un puits. Et comment réagit le Niger là ? Par nature, le président Diori Amani n'est pas un va-t-en-guerre. Et au lieu de riposter militairement, il négocie. Il fait même le voyage à Tripoli afin de négocier un traité de bon voisinage et de coopération économique avec la Libye contre quelques compensations sonnantes et trébuchantes. Encore une fois, il fait preuve de sagesse. Hein. C'est parfaitement exact. Mais il faut dire qu'il s'est engagé dans une affaire autrement plus importante. L'exploitation des gisements d'uranium découverts dans son pays. Depuis quand sait-on qu'il y a de l'uranium au Niger ? On l'a découvert précède l'indépendance. Ce sont des ingénieurs du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui, en prospectant la région d'Agadez, ont établi qu'il s'y trouvait des roches comportant une bonne teneur en minerais et des réserves estimées à plusieurs milliers de tonnes. Mais l'exploitation n'a commencé que beaucoup plus tard, au tout début des années 60. Pourquoi certains ? Agadez se trouve aux portes du désert. L'éloignement, le climat et l'environnement représentent de sérieux obstacles. Et puis l'uranium n'avait pas encore la valeur qu'il allait prendre plus tard. Et on en avait encore en France. C'est exact. Ouais. Quoi qu'il en soit, le président nigérien, lui, a très vite compris qu'il disposait là d'une richesse majeure pour son pays. Et il était bien décidé à en tirer le maximum de profit. Ce qui n'allait pas sans poser quelques problèmes. Comme avec la France ? Bien évidemment. La COGEMA, principal acteur de l'exploitation, avait beau avoir conclu un accord de partenariat avec l'État nigérien, elle ne voulait pas payer trop cher le minerai. Et face aux récriminations nigériennes, les Français mettaient en avant les importants investissements réalisés avant même de commencer la production. Ça, c'est classique. Hein. Et un peu partout, dans les anciennes colonies, on a assisté à de tels conflits à propos de l'exploitation d'autres richesses. Ouais. L'ex-colonisateur se faisait souvent tirer l'oreille. Hein. Bien sûr. Alors très vite, Diori Amani exige une juste rémunération pour son pays. D'autant que le cours de l'uranium va bientôt flamber. Mais la COGEMA rechigne. Et le ton monte. À Paris, le gouvernement ne peut pas se désintéresser d'une question aussi brûlante. Et essaie de peser de tout son poids dans une négociation financière très âpre. Aussi, face à ce qui ressemble à une fin de non-recevoir, Amani envisage de se tourner vers d'autres partenaires pour exploiter sa principale richesse nationale. Qui ? Le voisin libyen. Ah, à Paris, c'est comme si Niamey agitait un chiffon rouge. Il n'est pas question que Kadhafi se mêle de cette affaire. Kadhafi qui essaie déjà de semer le trouble dans le nord du Tchad. Oui, hein, oui. Alors ce qui doit arriver arrive. Une ultime négociation doit se tenir en avril à Niamey. Mais elle n'aura jamais lieu. Pourquoi ? Parce que le président Amani est victime d'un putsch. 3 jours avant l'ouverture de cette importante réunion. Un putsch téléguidé par Paris ? Écoutez, il est difficile de ne pas y penser. D'abord, il faut noter que le détachement militaire français présent dans la capitale nigérienne s'est bien gardé d'intervenir. Pour vous, ça, c'est une passivité suspecte ? Obligatoirement. Parce que dans d'autres pays africains où la France continue à disposer de garnisons, les militaires ne se sont pas privés d'intervenir. Des accords secrets prévoyaient même ce genre d'ingérence dans les affaires intérieures de nos anciennes colonies. Bon, les exemples sont nombreux. D'autre part, il faut noter que dans le secteur crucial de l'énergie, les compagnies françaises entretenaient des liens très étroits avec les services de renseignement. Vous pensez à ELF. En particulier, ELF qui avait été créé par le général de Gaulle pour préserver l'avenir énergétique de la France et au besoin continuer à assurer une discrète tutelle sur notre précaré africain. ELF qui était truffé d'agents de nos services. Par conséquent, à la COGEMA, il ne pouvait pas en être autrement. C'est ce que vous pensez. Il n'est pas trop difficile d'imaginer ce qui s'est passé. Informé des intentions du président Amani de regarder vers la Libye, Paris a aussitôt décidé d'agir. Et donc de fomenter ce putsch qui a renversé Amani. Mais j'imagine qu'il n'a pas été trop difficile de persuader quelques officiers nigériens de passer à l'action et de déposer un président qui gouvernait depuis trop longtemps son pays et avait même pris quelques libertés avec le système démocratique. Et comment ? En instituant par exemple un régime de parti unique. Mais ce n'étaient pas les seuls griefs adressés à Amani. Lors de la grande sécheresse de 1973, il aurait détourné une partie de l'aide alimentaire internationale consentie à son pays. En outre, et pour Paris c'était grave, le dirigeant nigérien venait d'établir des relations diplomatiques avec Moscou. Pour toutes ces raisons, il était donc urgent de le chasser du pouvoir. Puis je suis sûr que l'opération a été téléguidée par Jacques Foccart, même si ce dernier avait vu son étoile pâlir sous la présidence Pompidou, mais ses réseaux demeuraient toujours en place. Et son pouvoir de nuisance aussi. Il faut d'ailleurs observer que le putsch a eu lieu à la mi-avril 1974, c'est-à-dire 2 semaines après la mort de Georges Pompidou, et donc à une période où l'intérim présidentiel permettait à Foccart et à ses hommes une plus grande liberté de manœuvre. Monsieur X a impliqué Jacques Foccart dans le coup d'état de Niamey. Mais, dans son journal, l'ancien père Joseph du général de Gaulle nie toute responsabilité. Mieux, il affirme qu'il aurait au contraire plaidé auprès du président intérimaire Alain Poher la nécessité d'une intervention militaire française. Je cite. Je retourne voir Poher pour lui remettre la lettre de l'ambassadeur du Niger demandant notre intervention et je trouve un Poher un peu hésitant. Puis arrivent Mesmer, Gallet, Lipovski et Morin. Chacun prend la parole et je suis en fin de compte le seul à défendre le point de vue de l'intervention. Poher décide de ne rien faire. À différentes reprises, je dis que c'est la première fois qu'on assiste à un coup d'État qui est un véritable hold-up. Il ne s'agit pas d'un coup d'État survenu à la suite de troubles, comme à Madagascar ou ailleurs. Il s'agit d'une prise du pouvoir la nuit à 2h du matin par des conjurés. On fait prisonnier le président, on tue sa femme et on embarque tous les membres du gouvernement. Si nous ne réagissons pas contre ce coup d'État, nous ne réagirons jamais et nous signons la condamnation d'Oufouette et de Bongo. Les autres approuvent mon analyse, mais la décision est prise de ne pas intervenir et d'envoyer un avion pour faire sortir Diori. Je dis que c'est tout à fait illusoire. Jamais vous ne ferez sortir Diori, jamais vous n'obtiendrez sa libération. On dit que, de toute façon, on va envoyer quelqu'un pour récupérer le fils de Diori. J'ai des doutes, mais la décision est prise et c'est une façon de se donner bonne conscience. C'est pour moi encore une bien triste journée. Les 2 tomes des entretiens de Foccart avec Philippe Gaillard ont été publiés par Jeune Afrique et Fayard. Un mot avant de poursuivre. J'ai évoqué la grande sécheresse de 1973. Elle a engendré au Niger une terrible famine qui a causé la mort de dizaines de milliers de personnes, peut-être 150 000. Et ce sont les nomades qui ont été les premières victimes de cette catastrophe humanitaire qui a aussi entraîné la perte de la plupart de leurs troupeaux. Les Touaregs ont donc été sévèrement frappés et ils ont eu l'impression d'avoir été abandonnés. Leur colère a été d'autant plus grande qu'ils observaient en même temps que si l'exploitation de l'uranium sur leur territoire traditionnel gagnait en importance, ils ne bénéficiaient absolument pas de cette nouvelle manne financière. Et une colère qui va peu à peu donc nourrir le sentiment de révolte chez les Touaregs. Naturellement. Ouais. Mais revenons au putsch et à ses auteurs. L'initiateur est le colonel Seni Kounché. Qui est-il là? Cet ancien sous-officier de l'armée française est un vétéran des guerres d'Indochine et d'Algérie. Revenu dans son pays, il a accédé aux plus hautes fonctions puisqu'il est devenu le chef des forces nigériennes. Et à ce titre, il n'a eu aucune difficulté à persuader ses camarades de l'aider à chasser un président usé. Mais le conseil militaire institué après le putsch devait faire face à une situation très délicate. La grande sécheresse avait en effet ruiné la majeure partie de l'économie nigérienne. A commencé par son agriculture. Ouais, évidemment. Et la question de l'uranium? Kounché, à peine arrivé au sommet de l'État, s'empresse de déclarer qu'il va poursuivre la coopération avec la France. Ouais, c'est une preuve de plus pour vous sur l'implication de Paris dans le déclenchement du putsch. Bien entendu. Toutefois, le nouveau maître adresse aussi un clin d'œil en direction de la Libye. Certes, il n'est plus question d'associer le pays de Kadhafi à l'exploitation de l'uranium, ni même de conclure un traité de défense avec la Libye, mais Kounché affirme haut et fort qu'il est prêt à vendre de l'uranium à qui le lui demandera, y compris au diable. Et le diable, en l'occurrence, c'est Kadhafi. Ben, ça me paraît clair. Mais Paris ne tarde pas à mettre le holà, et sagement, le dirigeant nigérien s'incline. Ouais. Et pour le reste, comment gouverne ce Kounché, là? Bon, comme tous les dictateurs militaires... L'opposition est muselée et tous les moyens coercitifs sont utilisés dès que le pays bronche. Répression, arrestation, arbitraire, torture, enfin rien n'y manque. En même temps, les zones sensibles sont placées sous administration militaire. Et d'abord les zones frontalières. Et puis j'imagine la région d'où l'on extrait l'uranium. Naturellement, parce qu'en raison du naufrage de l'agriculture, c'est la principale ressource du pays. Une ressource qui ira d'ailleurs en diminuant à partir des années 80. Pourquoi l'épuisement des gisements? Ah bah pas du tout. Au contraire, l'extraction ne cesse de progresser. Une mine souterraine, la plus grande du monde, est même mise en service. Non, non, c'est le prix de l'uranium qui va s'effondrer. Et ce sera alors un coup dur pour le Niger. Autre difficulté, et c'était presque inévitable, Kadhafi essaye de mettre son grain de sel dans les affaires nigériennes. Mais de quelle façon, hein? En 1976, Kouché est à son tour la victime d'un putsch. Mais un putsch qui échoue. Le dictateur a tôt fait de voir la main de Kadhafi derrière cette tentative de coup d'État. Ouais, il n'a peut-être pas tort, hein? C'est certain. Plus préoccupant. Il accuse aussi des ministres Touareg qu'il a pris dans son gouvernement et qu'il limoge immédiatement. La répression qui suit est d'ailleurs féroce. 9 des conjurés sont condamnés à mort par une cour martiale et exécutés, tandis qu'une vingtaine d'autres sont enfermés à vie. En tout cas, cette mésaventure accroît la méfiance de Kouché vis-à-vis des Touaregs qui vont faire l'objet d'une surveillance accrue. Et cette suspicion à l'encontre des nomades va dorénavant être l'une des données permanentes de la politique nigérienne. Jusqu'à aujourd'hui. En effet. Mais là encore, Kadhafi met de l'huile sur le feu. Expliquez. Le leader libyen a très vite compris que cette question Touareg était le point faible des pays du Sahel, surtout le Niger et le Mali. Par conséquent, il va faire tout son possible pour alimenter les ferments de division ou même de sécession. Mais comment procède-t-il alors? C'est très simple. Il invite tous les Touaregs qui se sentent opprimés ou qui souffrent de la famine à se réfugier en Libye. Et il les invite à s'engager dans une légion islamique qui aura pour tâche la libération de leur pays, appelé plus tard à former les États-Unis du Sahel. Encore un rêve mirifique de Kadhafi, ça. Encore, oui. Ouais. Le dictateur libyen n'a jamais manqué d'imagination. Et il est entendu? Certains Touaregs, surtout des jeunes, répondent à l'appel de Kadhafi et acceptent de s'incorporer dans cette légion islamique. Mais ils vont assez vite déchanter. Surtout quand ils apprennent que le guide de la révolution libyenne, comme il se fait désormais appeler, veut les envoyer sur le front libanais. Ouais. La protestation de ces Touaregs est même si vive que certains désertent leur caserne. Bref, ils veulent bien combattre, mais uniquement pour leur cause. Ouais, pour satisfaire les lubies d'un Kadhafi. Voilà. Et en même temps, les relations entre le Niger et la Libye se dégradent. Mmh, à Niamey, on ne doit guère apprécier l'initiative de Kadhafi. C'est évident. Et le Niger rappelle son ambassadeur à Tripoli et exige la fermeture de la représentation libyenne à Niamey. La tension monte encore d'un cran lorsque les forces nigériennes interceptent un commando de 15 hommes qui s'apprêtait à commettre des actes de sabotage dans les mines d'uranium. Encore Kadhafi, hein? C'est très vraisemblable. Et c'est la conviction du président Kouché qui voit la main de la Libye dans une nouvelle tentative de putsch en 1983. Il faut ajouter à cette série d'incidents plus ou moins graves une défection particulièrement embarrassante pour le Niger. Un Touareg fuit vers la Libye en emportant avec lui toute une liasse de documents militaires. S'ajoute à cette situation préoccupante une nouvelle sécheresse. Et donc une nouvelle famine meurtrière? Et comme en 1973, les nomades sont les premiers touchés. Aussi ces Touaregs fuient-ils vers la Libye ou l'Algérie. Certains resteront exilés plusieurs années. Et en 1990, de retour chez eux, ils seront parmi les premiers à rejoindre la rébellion. Mais n'allons pas trop vite. Le contraire m'eût étonné. Bon, je ne me relève même pas. Cependant, malgré un relatif réchauffement des relations entre la Libye et le Niger, réchauffement entamé en 1985, un nouvel événement se produit qui va encore exacerber la question Touareg et du même coup compliquer les rapports entre Kadhafi et Kouché. Kouché, qui, il faut le signaler, est très malade et passe de longues périodes dans les hôpitaux français. Mais qu'est-ce qu'il a? Une tumeur au cerveau qui finira par l'emporter 2 ans plus tard, en 1987. Ça signifie que le dictateur est moins vigilant et que la surveillance exercée sur les Touaregs a tendance à se relâcher. Alors cet événement de 1985, Disons tout de suite qu'il est très grave, car pour la première fois, les armes vont parler. Je résume. Tchintabraden est une sous-préfecture située au centre du pays. Donc pas tout à fait dans la zone de peuplement des Touaregs. C'est ça. Cette petite ville se trouve au sud du Sahel. Fin mai 1985, si l'on en croit la version diffusée par les autorités nigériennes, un commando d'une quinzaine de Touaregs attaque une agence spéciale et le bureau de poste local. Que veulent les assaillants, hein? Ils désirent s'emparer des fonds qui sont déposés dans ces deux établissements. Du gangstérisme, alors. Mais je vous ai prévenu, c'est la version officielle. L'attaque dégénère très vite. Il y a échange de coups de feu et 3 personnes sont tuées. 2 gardes et un assaillant. Et 10 des membres du commando sont appréhendés. Ils seront plus tard condamnés à la peine capitale. Et 3 mourront dans des circonstances mystérieuses avant même d'être exécutés. Quant aux 7 autres, ils seront graciés après la mort de Sini Kunche. Vous avez donc parlé de version officielle. Il y en a donc une autre. Oui, oui, d'après Mano Dayak, un Touareg, qui prendra de plus en plus d'importance au sein de son ethnie, et dont je parlerai plus longtemps la semaine prochaine, la vérité est tout autre. En réalité, cette quinzaine de Touareg venait simplement chercher de la nourriture auprès de l'Office des produits vivriers du Niger, afin de la distribuer à la population victime de la sécheresse. Il n'y avait donc aucune intention belliqueuse. Mais les forces de l'ordre les ont violemment repoussées, d'où l'affrontement armé. En tout cas, quelle que soit la bonne version, l'incident de Tchentabaraden marque un tournant dans l'histoire des Touaregs du Niger. Et les conséquences en seront excessivement graves. Le géographe Emmanuel Grégoire, auteur d'un ouvrage sur les Touaregs, édité par Cartala, analyse ainsi les conséquences des événements de Tchentabaraden. Ce premier accrochage fit grand bruit, le général y voyant de nouveau l'ombre du colonel Kadhafi. Bien au-delà des faits eux-mêmes, cet événement transforma la défiance qu'éprouvait jusqu'alors la communauté Touareg à l'égard du régime et des forces armées nigériennes en une hostilité avouée. Pour la première fois, les armes avaient parlé au Niger dans un conflit interethnique. Cela ne pouvait que laisser de graves séquelles.